Et maintenant sur Fun Radio, Fun. Le ni oui ni non, ni vous verrez bien, avec Aline, la plus perdante de toutes. Et oui, Aline, la plus perdante de toutes, qui va jouer avec Fanny ce matin, 23 ans de Namur. Bonjour Fanny. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ben, ça va bien aussi, Fanny. Étudiante ou tu travailles? Non, je travaille, je suis vendeuse. T'es vendeuse, vendeuse dans quoi? Sandwicherie. Ah! Ah bon? Il est intéressé. Eh bien, nous allons passer avec Audrey. Hein, on va goûter les sandwichs. Je ne mange que des hamburgers. Moi, c'est pas grave. Je suis beaucoup trop équilibré. Ah, ben voilà. Ben, on va arriver, nous. Hein, on va venir tout à l'heure, tu vas voir. Bon, Fanny, alors, toi, tu appelles pour le ni oui ni non, ni vous verrez bien face à Aline. Pour l'instant, Aline a gagné hier, si mes souvenirs sont bons. Oui. Oui. Non, c'était. C'était un nul. Oui, voilà. Un nul. C'était un nul. Donc, Fanny, tu as toutes tes chances, sachant que pour l'instant, elle n'est pas très bonne. Et qu'en plus de ça, elle est à moitié handicapée puisque Audrey vient de lui rouler sur le pied avec la chaise. Il manque un orteil. Voilà. Donc, Fanny, tu as toutes tes chances. Le concept est très simple. Une minute de discussion avec Audrey. Avec Aline. Qu'est-ce que j'ai? Rien. Ouais, ça doit être ça. Donc, une minute de discussion avec Aline. Le but, ne pas dire oui, ne pas dire non, ne pas dire ça. C-A-S-A, peu importe, faut pas dire ça. Et bah, évidemment, tu dois tout faire pour qu'elle le dise. Ça tombe sous le sens, d'accord? Ok. Bon, allez, bonne chance. Une minute. Ni oui, ni non, ni ça. C'est parti. Fanny? Aline? Comment vas-tu? Ouf. Bien, et toi? Très bien. Que vas-tu faire aujourd'hui? Quoi? Je travaille, du moins. Oui. Et toi? Moi aussi. Tu vas manger commences quoi? Tôt. Pardon? Tu vas manger quoi? Des cupcakes. Tu commences à travailler tôt, non? Pop, tu commences à travailler tôt, non? Ah oui, heureusement que ta fille. Hein. Effectivement, j'avais pas grillé, autant pour moi. Fanny, bravo. C'est gagné. L'iPod est pour toi. L'iPod est pour toi, puisque Aline n'a pas été mauvaise, elle a été très mauvaise. Aujourd'hui. Mais voilà, c'est à cause de mon orteil, quoi. Mais c'est oui, c'est ça. Ouais, elle va pas d'y penser, c'est pour ça. Là, autre chose. Bon, bah, Fanny, bravo à toi, c'est gagné. L'iPod est pour toi, donc ça va bien t'aider à commencer le week-end pépère, ça. Tu vas rester au standard, on va prendre tes cornets, on va t'envoyer ça, d'accord? C'est cool, merci. Et peut-être qu'avec Toff et Audrey, on va venir te le livrer contre des sandwichs. Pas de soucis, on échange. Ça serait pas mal. Allez, gros bisous, Fanny, à bientôt. Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun. Question existentielle à base de quoi? De couverture. De couverture. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est un peu l'hiver, il fait froid. Bah, là, il fait pas non, je trouve froid pour l'instant, mais bon, oui. Non, mais bon, on voilà. Se comprend. C'est un peu froid quand même, et donc du coup, je me suis demandé si j'enlevais la couverture de mon livre, s'il aurait pas trop froid, quoi. D'accord, ok. Et s'il risquait pas d'être malade. Je comprends. Et pendant ce temps-là, il y a Aline et Audrey qui sont en train de regarder des rhinocéros à la télé, ils sont contents. Non, voilà. Elle est en train de me faire la danse de l'hippopotame. D'accord. Donc, on est d'accord, Aline, ce n'est pas un hippopotame, non, c'est un rhinocéros. Ah, quel gros animal! Mais oui, quel gros animal! Oh là là! Oh, et puis il a une grosse corne! Je trouve qu'il allait bien avec. Dis, tu veux dire quoi par là? Fais attention, toi. Non, l'animal! Comment elle essaye de se rattraper là? Non, mais je peux dire. Les vaches ne s'accouplent pas avec des rhinocéros. Bon, allez, c'est parti, on va appeler Arzey. D'accord. Arzon. Allez, c'est parti, on y va. Et on va se renseigner par rapport à la couverture, donc dans cette question existentielle de ce matin. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, voilà, en fait, je vous appelais, j'avais une petite question à vous poser. Oui monsieur, vous avez vu l'heure qu'il est? Mais oui, et en fait, voilà, je vous appelais parce que je voudrais pas que mon livre, il soit malade. Parce que j'aimerais bien lui retirer sa couverture. Et donc, du coup, je me demandais... Arrêtez un peu. Bah, on n'a pas terminé, là. Oui. Bon, on rappelle. Ah, évidemment. C'est dingue. Oui. Oui, excusez-moi, on a été coupé, vous n'avez pas répondu à ma question. Ah ben non, je ne réponds pas à des questions aussi bêtes. Bah, je trouve pas que ma question soit bête, madame, j'ai peur que mon livre soit malade. Arrêtez un peu, monsieur, vous n'allez quand même pas réveiller une vieille dame, allez. Mais non, enfin si, maintenant vous êtes réveillé, vous pouvez bien répondre à ma question. Mais je retourne dormir, moi je n'ai rien à voir avec vous, puisque je m'en fous que votre livre est malade, moi. Ben oui, mais vous pensez que je peux lui retirer sa couverture ou pas alors? Retirez-lui si vous voulez, hein, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, moi? Ben, Oui, mais enfin bon, c'est pas gentil. Arrêtez un peu, sinon j'appelle la police. Hein. Ben oui. Oui, d'accord. On s'est retrouvé votre numéro. Ah bon? Oui, ben, peut-être que la police, elle pourra m'aider avec mon livre. Eh ben, téléphonez à la police alors. Quelle bonne idée. Au revoir, monsieur. Ah, c'est fini. Voilà. Ah, bah, c'est fini. Alors, on va la rappeler. Bah, oui, on va la rappeler encore un petit coup, une petite dernière quand même. Allez, hop, c'est parti. Quoi, la pauvre. Allez, on y va. Et alors, arrêtez. Mais oui, mais franchement, c'est pas très gentil, madame. Moi, je vous appelle. Oui, monsieur, mais est-ce que vous vous rendez compte? Mais moi, je vous appelle pour vous demander des conseils et vous m'envoyez chier. Mais qui êtes-vous? Êtes-vous d'abord? Je ne vous connais pas. Mais non, on ne se connaît pas. Moi, j'avais juste. Alors, laissez-moi tranquille. Bah, oui. Moi, j'appelle la police et vous verrez, je suis sur écoute d'ailleurs. Ah bon? Sur écoute. Bah, comme ça, on pourra garder l'enregistrement alors. Si vous voulez. Ah, c'est gentil. Mais alors, pour mon livre, parce que vous ne m'avez pas dit. Eh ben, vous tirez la couverture si vous avez envie, hein. Voilà. D'accord. Il ne sera pas malade. Non. Ah bon. Eh ben, voilà. Merci beaucoup, madame. Bah, excusez-moi, mais hein, vous êtes vraiment un grossier personnage, hein. Réveillez les personnes âgées à cette heure-ci. C'est un grossier personnage. Oui, grossier personnage, effectivement. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. La tranquillité n'a pas de prix, mais retenez son numéro. 0473 86 0013. Le seul numéro qui vous débarrasse de tous les relous. Écoute d'ailleurs la ligne anti-relou, écoutez bien justement, puisque vous pourriez vous débarrasser de relou. Et en ayant donné le numéro de la ligne anti-relou, vous êtes peut-être débarrassé de lui. Bonsoir Perrine, c'est le monsieur qui a fait des photos de toi. J'ai trouvé que tu avais de très belles jambes. Donc, je souhaiterais de faire de nouvelles photos avec toi. Par contre, envoie une main. Rappelle-moi. Ciao. Je souhaiterais. Ah oui. Oui, je souhaiterais faire des photos de toi. Mais oui, bien sûr, on en a déjà fait des photos de toi, mais cette fois-ci en maillot de bain. Oui. Mmh, ici, après, tu peux enlever le haut, hein, juste pour, faire, mais pour la beauté de la photo, évidemment. Hein. Deuxième message. Ouais, salut Laurent, c'est David. Mais je sais pas si tu travailles là. Comme à chaque fois je tombe sur la messagerie, je sais pas si être du mal est un peu timide, mais je crois que je suis amoureux de toi. J'espère que tu éprouves quelque chose pour moi, mais je sais pas. Et on verra bien. Allez, ciao. On verra bien, on verra bien. C'est tout vu, il me semble. Hein. Oui. Si tu termines sur la ligne anti-relou, c'est que je pense pas qu'il y ait eu le foudre escompté, si tu vois ce que je veux dire. Mais enfin bon. Mickaël à la radio. Le replay. Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. Bon, vous savez que nos voisins français sont des gens un petit peu particuliers. Oui. Pas du tout. Un petit peu. Eh bien, j'en ai encore. C'est des gens sympas. Mais oui, j'en ai encore la preuve ce matin avec un mec qui se prend la tête avec le personnel de la SNCF. Moi, je respecte les Suisses. Je ne respecte plus les gens français qui ne savent pas travailler. Voilà, je ne respecte plus les gens français qui ne savent pas travailler. Donc du coup, bah, la meuf essaie de lui répondre. Mais évidemment, il a l'argument qui tue. Hein. Je gagne 75 euros, vous êtes aux Suisses. Alors vous fermez votre gueule. Voilà, alors il dit je gagne 70 000 euros par mois et vous gagnez le SMIC. Alors tu fermes ta gueule. Voilà, donc très sympa, hein, il fait bon vivre en France. Hein. Oui, déjà. Ah là là. Ah, okay. Ouais, quel bonheur. Évidemment, c'est pas tout. Hein. Le mec en rajoute une petite couche, sinon c'est pas drôle. Au moins respecter les prochains, les autres. Vous allez bien, c'est des gens. Mais non, pas du tout. Parce que moi, je suis supérieur à vous. Parce que vous, vous allez crever. Mais attendez, je me casse. Eh oui, donc c'est bien parce que la meuf lui dit quand même, attends, apprenez après. Moi déjà le mec qui m'aurait dit je gagne 70 000, vous gagnez le SMIC, je lui aurais mis une patate. Ouais. Mais elle a dit, mais attendez, apprenez à respecter les autres. J'en ai rien à foutre, de toute façon tu vas crever comme t'es là. Moi je suis supérieur, voilà. Ah là là, ah, c'est bien connu. Sympas, hein. Les oui. Et comme la meuf, elle comprend pas, bah, il s'en va comme un prince. Hein. Je suis ma bon allez pauvre connasse. Ah voyez, allez pauvre connasse, voilà. Eh ben, et oui. Ça et c'est fait. Et vive la France. Ah, oui. Hein, et vive la France. Cocorico. Ah oh là là là là là là, c'est un truc de ouf. Mickaël à la radio, le replay.